T'es la meilleure chose qui m'est arrivée, mais aussi la pire chose qui m'est arrivée. Ce jour où je t'ai rencontré, j'aurais peut-être préféré que ce jour ne soit jamais arrivé. La pire des bénédictions, la plus belle des malédictions. De toi je devrais m'éloigner, mais comme dit le dicton, plutôt qu'être seul, mieux vaut être mal accompagné. Tu sais ce qu'on dit, sois près de tes amis les plus chers, mais aussi encore plus près de tes adversaires. Mais ma meilleure ennemie c'est toi, puis moi. Le pire c'est toi et moi. Et si tu cherches encore la voix, oublie-moi. Le pire c'est toi et moi. Pourquoi ton prénom me blesse? Jérôme Zano et Constance Vercamer, c'est le 16-20 M Radio. Nous voilà repartis pour une nouvelle soirée sur M Radio. Bienvenue si vous nous rejoignez. Julie est de retour après un week-end reposant. Salut Julie. Salut Julie. Salut Jérôme. Salut Constance. Vous avez vu mon teint parfait là? Ah mais incroyable. Oui. Mais quel est ton secret? Dis-nous tout. Mon secret, c'est d'avoir des enfants et qu'hier, tu sais, je me suis endormie genre à 22h, mais en fait, il y a plein de gens qui sont décalés. Donc finalement, dans l'ancienne heure, il était 21h. Ça m'arrive jamais, mais je me suis endormie, pouf, comme ça. Comme s'il était 21h. Après, vous savez que les heures avant minuit, ça compte double. Hein. Ça doit être ça, le teint frais alors. Moi, ça me donne envie d'aller. Moi, après, moi, je suis fatigué. On va aller se coucher avec Constance, parce qu'entre Constance qui est malade et moi qui ai dormi 2h30. Non, moi, j'ai un rendez-vous ce soir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Alors déjà que les dates de base, bon. Ça dépend, voilà. Ça dépasse, comme disait l'autre. Bah alors la malade, ça va être quelque chose. Non mais là, je les aurais tous fait. Hein. Vraiment, dans n'importe quelle condition. Bon Julie, tu vas continuer cette soirée avec la chanson française. Et oui, en pleine forme avec Angèle qui nous rejoindra et Étienne Dao. Eh bah très bien, nous on va continuer cette soirée avec Alain Souchon pour rejoindre, eh bah du coup, 20h. Bon courage pour ton date Merci malade. Merci beaucoup, à demain. Et on se retrouve demain dès 16h sur M Radio. Come le partigine malene, Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulevard de la mer. Jimmy tourne par rond. Jimmy t'es formé,

sais qu'un jour nous nous aimerons comme des fous. M Radio, 20h, belle soirée, c'est Julie avec Angèle et tout de suite Étienne Dao. M Radio, M Radio.

fêtera les vacances du mois d'avril. Ça va vite. On est d'accord, le temps passe trop vite. Qui a appuyé sur Avance Rapide? Je cherche le coupable. Bon, on est au cœur de 40 minutes de musique sans pub. Retour dans les années 80 avec Corinne Charby. Et on retrouve tout de suite Patrick Bruel sur M Radio. 6h-10h. Vincent Cerutti et Isabelle Jamy. Moi, c'est avec mon poissonnier, par exemple, je raconte toute ma vie. Ah ouais? Ouais, un peu comme à mon coiffeur. Ah, il doit être content. Ouais, alors c'est les gens derrière qui sont un peu moins contents. Rendez-vous demain, 6h-10h. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Vous embarquerez pour un incroyable voyage autour du monde avant de vivre le grand frisson en sautant dans une tornade. Vous danserez dans les bras d'un robot et croiserez des lapins crétins. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience. Vous réserverez 3 jours au Futuroscope et votre 3e jour sera gratuit. En réservation jusqu'à J-1. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com. M Radio Paris. M Radio. 102.7. M Radio. M Radio. Pas d'histoire, tu sais bien ce qui ne tourne pas rond. Chez moi, ne m'en demande pas trop. Tu sais bien que les fêlures sont profondes. Sans moi, ne t'accroche pas si fort. Si tu doutes, ne t'accroche pas si fort. Si ça te coûte, ne me laisse pas te quitter. Alors que je suis sûre de moi, je te donne tout ce que j'ai. Alors essaie de voir en moi que je t'aime. Mais je t'aime.

toujours dit quand j'étais jeune que je ressemblais à Corinne Cherby. Est-ce que maintenant que Corinne Cherby et moi, on est un peu moins jeunes, on se ressemble toujours? Il va falloir que je vérifie un petit peu. J'espère que vous allez bien. Belle soirée. Merci d'avoir choisi M Radio. Si vous voulez encore plus d'années 80, je vous invite à aller sur notre site mradio.fr, notre application. Mieux encore, à télécharger notre appli qui est gratuite et sans pub. Vous retrouverez notre web radio 100% années 80 et toutes les autres web radios également. Les enfoirés se préparent au cœur de cette soirée ensemble et celle qui est en tournée dès le mois de mai. Elle sera à Nice le 18 mai en tant qu'invitée, le 5 juin à Tinqueux. On la retrouve, c'est Hélène Ségara tout de suite sur M Radio. Ce n'est jamais qu'une histoire comme celle de milliers de gens, mais voilà, c'est mon histoire et bien sûr c'est différent. On sait, on croit pouvoir oublier avec le temps. On n'oublie jamais rien, on vit avec. Forse non sei stato mai il presente che vorrei. E sbagliavo a fare tuoi quei progetti solo miei. Ma ho imparato a dire no all'illusione che ci sei. Quoi qu'il pèse, le vent. Je lâche tout, tout me tombe des bras. Ça fait tâche, tu ne t'y attendais pas. Je porterai plus que mon package. Je m'en fiche si tu me trouves flash. Pas d'amour sans partage. Pas d'amour sans partage. Finalement, après quelques années, les hommes ont remplacé tes poupées. Et les glaïeuls posés dans ta chambre remplacent aujourd'hui les fleurs des champs. Et c'est le temps qui court. radio. Merci d'écouter M Radio. J'espère que vous n'êtes pas désenchantés en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance n'est pas tip-top dans le monde. Alors qu'est-ce qu'on fait pour vous ? On vous offre un séjour d'une semaine, la Grange Vacances pour 4 personnes. En plus, vous pourrez partir avec votre animal de compagnie. Moi, je suis partie avec mon gros bibou qui fait ses 70 kilos. On a passé de superbes vacances. Un séjour d'une semaine, la Grange Vacances pour 4 personnes. Rendez-vous demain matin. Vous jouez au 3 sur 5 à 8h10 avec l'équipe du M Radio Réveil. Vincent Cerutti, Isabelle Jamy et Lucas. Allez, dans un instant, c'est Corneille qui se prépare. Et tout de suite, Gims sur M Radio. Je voudrais me vider la tête. J'ai plus la force de les écouter. J'ai pas réalisé qu'en fait, le bonheur est juste à côté. Le soir, moi tous les coups je vis. j'suis dans l'hélico. Tous les deux à Mexico. Voir le monde de tout là-haut. T'inquiète, y'a tout ce qu'il faut. J't'emmènerai jusqu'au bout du monde. Et puis c'est tout. Ferme les yeux juste quelques secondes. J'te dirai tout, j'dirai tout. J'te ramène au bout du monde. Puis c'est tout. Je me dis que ça fait quand même longtemps qu'on se dit t'inquiète. Des sacrifices, j'en fais coincer dans la tempête. Tout va très vite et tout s'enchaîne. Alors attrape ma main que je t'emmène. Une place, je suis dans l'hélico. Tous les deux à Mexico. Vous êtes sur M Radio. M Radio. M Radio. Une heure de musique sans pub. M Radio. Numéro 1 sur la chanson française. Dis-moi donc, c'est quoi ton histoire? Que je te lise la mienne. Je veux pas savoir qui tu es, mais plus pourquoi. Est-ce pour ma paix ou pour la tienne? Et si tu veux, on peut même aller plus loin. S'avouer nos petits caprices, hein. C'est peut-être le même, je vois un sourire au coin. Tu vois, t'as l'air moins triste. On te l'a déjà dit. Mais si tu veux mon avis, aujourd'hui on dit beaucoup plus qu'on ne vit. Et tu le sais.

Thank you.

que gentiment. J'ai jamais su faire sans sentiment, sans ressentiment. Le regard des gens m'était important à fond. J'avoue mes maladresses, j'avoue mes ma paresse, j'avoue mes ambitions sont le reflet de ma passion. J'avoue mes maladresses, ainsi ma sagesse. J'avoue mais je suis moi et pour ça je suis pas désolée. Histoire de reprendre un peu le cours de ma vie. Alors,

merci d'avoir choisi M Radio. Indochine qui bat les records avec son dernier album Babel Babel, qui est le troisième album le plus écouté en 2024. Bon, et puis bah, cet album sera défendu sur scène. Ils n'ont fait que ça, d'ajouter des dates. 20 nouvelles dates à cette tournée. Vous voulez connaître les dates de la tournée d'Indochine, mradio.fr, notre application. Bon, ils ont dit qu'ils étaient plus proches de la fin que du début, mais quand même, pas de retraite prévue pour Indochine. On vous en parlait, mradio.fr, notre appli. Ouf, j'ai envie de dire, Stéphane se prépare au cœur de cette soirée sans pub et Julie Zenati sur M Radio. Bonjour, c'est Julie Zenati sur M Radio. Découvrez demain le nouveau titre de Julie Zenati. M Radio, merci de défendre la chanson française. J'ai passé mon temps à vouloir renaître, à chercher comment, pourquoi et peut-être ici maintenant. J'en fais l'aveu. Que mes lèvres s'en tiennent à la vérité. J'embrasse mes faiblesses, ma joie, mes péchés ici, maintenant. J'en fais le vœu. Si loin qu'on oublie qu'avant demain il nous reste aujourd'hui. Prenons le temps d'un infini pour tout vivre aujourd'hui, tout vivre un jour demain, demain. Si loin qu'on oublie qu'avant demain il nous reste aujourd'hui. Prenons ta sagesse, à chaque jour sa peine. J'aurai soin de moi-même ici, maintenant. Je fais ce vœu. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites manies, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Petite furie, je me bats pour toi pour que dans 10 000 ans de ça, on se retrouve à l'abri. Sous un ciel aussi joli que des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entre elles ne parlent que de toi.

une belle soirée. Merci d'écouter M Radio. Et c'est comme moi là, vous venez de chanter, même comme des casseroles, c'est que vous êtes fan des 10 commandements. Et bien, vous pourrez chanter à tue-tête dès le mois d'avril les 10 commandements, l'envie d'aimer, de retour sur scène avec une nouvelle équipe, évidemment. Ce sera dès le 5 avril. Toutes les dates, mradio.fr, notre application. Le 5 avril, ça commence à Montpellier, dans un instant et tranquillement au cœur de cette soirée sans pub. M Radio défend les chansons françaises et ça, c'est un classique. Hein. Yannick, ces soirées-là, on fait la fête et Alain Souchon sur M Radio. Les chansons de Prévert me reviennent de tous les souffleurs de verre. Laine du vieux Ferré, les cris, la tempête, Boris Vian, ça s'écrit à la trompette. Rive gauche à Paris, adieu mon pays, de musique et de poésie, les marchands mal appris. Ailleurs ont déjà tout pris, viennent vendre leurs habits en librairie. En librairie. Si tendre soit la nuit, elle passe au Mazelda, c'est fini. Montparnasse, Miles Davis qui sonne, sa Gréco. Comment elle passe, c'était pas hier, mais c'était il y a pas longtemps. C'est drôle la vie, comment elle trace. Je le vois bien dans la glace, j'ai pris quelques cheveux blancs. Mais je me dis que c'est rien ça, que c'est très que la vie nous trace. C'est juste la peinture du temps. C'est drôle la vie, comment elle passe. C'est drôle la vie, comment elle trace. C'est drôle la vie, comment elle passe. C'est drôle la vie. C'est drôle la vie, comment elle passe. Il y a des jours qui tracent et d'autres qui passent lentement. Si on a fait quelques grimaces, ouais, on a su garder nos printemps. On a dû faire rire, on a dû faire souffrir. On a dû faire de la peine à des gens. C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle la vie comment elle passe. C'est drôle, c'est beau, c'est bon. C'est con la vie, comment elle passe. Je veux remplir mon cœur de bougies à souffler, de fêtes à fêter. Si tu savais comme y a la place. Y'a quelque chose chez toi qui me ressemble. Tu pleures un peu, tu ris souvent. Y'a quelque chose ce soir qui nous rassemble. Faites que ça dure encore longtemps. Thank you.